comment on dit, spécifique. J'ai déjà compris, hein. T'as évolué à l'époque de... Ouais. Mais plus par rapport aux pièces, en fait, tu vois, les trucs, tu vois, et un peu par rapport... Tu vois, donc ça c'était, donc ça c'est l'appartement. Tu vois, ça c'est le couloir, c'est l'entrée. Et comme on n'avait pas pris l'escalier, tu vois. Mais comme fait, une niaise, je le prenais de là. Tu vois, moi je ah oui, je pris la parce qu'il y a une entrée aussi d'ici. Ouais, ouais, en fait, ça, c'est ouais. Les, mais il faut faire un peu plus. Là, juste faire un peu. Mais c'est juste la, les, mais les shots, c'est ça. C'est à l'intérieur. En fait. Voilà. Mais c'est pas les shots dans lesquels on va. C'est pas les shots, d'accord. C'est encore d'autres chiottes et là on peut encore faire quelque chose. Tu vois. Parce qu'il y a une partie qui est voilà, un peu murée, cachée, obstruée. Alors. Et les toilettes aussi. Ouais.